Parole de savant indiquant que celui qui demande justice auprès de At-Tarut a cru en lui et a mécru en Allah. L'imam Ibn Hazm rahimahullah a dit concernant la parole d'Allah: non par ton Seigneur, ils ne seront pas croyants aussi longtemps qu'ils ne t'auront demandé de juger de leur dispute, et qu'ils n'auront éprouvé nulle angoisse pour ce que tu auras décidé, et qu'ils se soumettent complètement à ta sentence. Sourate 4, verset 65. Ce verset suffit à celui qui prend garde, raisonne bien et croit en Allah et au jour dernier, et pour celui qui a la certitude que cette ordonnance et cette recommandation est celle de son Seigneur. À la personne de vérifier ce qu'elle a dans le cœur. Si elle trouve une gêne ou que son âme refuse de se soumettre à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a transmis, mais se penche par contre vers les paroles de tel ou tel, ou ses préférences et analogies, ou qu'elle trouve que son âme demande justice à quelqu'un d'autre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'elle sache qu'Allah a fait serment et sa parole est véridique, qu'il n'est pas croyant et Allah a dit vrai, et s'il n'est pas croyant, il doit être mécréant, car un troisième jugement n'existe pas. Il dit aussi, rahimahullah, en rapport avec le verset précédent, Allah a juré par lui-même qu'il ne peut pas être croyant si ce n'est qu'après qu'il prenne le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme juge dans tous ses litiges, puis qu'il se soumette avec son cœur et qu'il ne trouve aucune gêne dans son âme vis-à-vis du jugement. Donc, se soumettre avec le cœur est autre chose que la demande du jugement. Et c'est cela la foi qui ne doit pas faire défaut chez le croyant. Il dit aussi, rahimahullah, Allah a prénommé foi la demande de justice au prophète sallallahu alayhi wa sallam et nous a informé qu'il n'y a pas de foi en dehors de cela. Et ceci doit être accompagné par une absence de gêne par rapport au résultat du jugement. Donc, il devient certain que la foi est composée d'actes, de croyances et de paroles. Car la demande de jugement est un acte et elle ne peut se faire sans parole et l'absence de la gêne est une croyance. Il dit aussi, rahimahullah, concernant le verset, et quiconque fait scission d'avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné, et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination. Sourate 4, verset 115. Abu Muhammad a dit, ce verset est un texte clair qui indique la mécréance de celui qui commet cela. Si quelqu'un nous dit que toute personne ne suivant pas le sentier des croyants devient mécréante, alors on lui répond, et par Allah la réussite. Celui qui ne suit pas le sentier des croyants n'est pas forcément un mécréant, car boire de l'alcool, forniquer, consommer injustement les biens des autres, tout cela ne fait pas partie du sentier des croyants. Cependant, on sait très bien que celui qui fait ces interdictions n'est pas sur le sentier des croyants, mais il n'est pas pour autant mécréant. Et la preuve est la parole d'Allah. Non, par ton Seigneur, ils ne seront pas croyants aussi longtemps qu'ils ne t'auront demandé de juger de leur dispute, et qu'ils n'auront éprouvé nulle angoisse pour ce que tu auras décidé, et qu'ils se soumettent complètement à ta sentence. Sourate 4, verset 65. Abu Muhammad a dit, ce verset est un texte clair, qui ne peut avoir une interprétation, et nul autre texte ne peut ni changer son sens apparent, ni la nature de l'Iman que celui-ci visait. Al-Fisal fi al-Milal wal-Ahwa Wal-Nihal, volume 3, page 293. Deuxième parole. Ibn Taymiyyah, rahmahullah, a dit « Et de la même sorte que le ralliement aux mécréants, pour lequel Allah a blâmé les gens du livre, ainsi que les hypocrites, est le fait de partager avec eux certaines croyances de mécréance, ou se faire juger par eux, et non pas par le livre d'Allah. N'as-tu pas vu cela à qui une partie du livre a été donnée, ajouter foi à la magie, djipt et au tarot ?» Sourate 4, verset 51. En Majmou' al-Fatawa, volume 28, page 199. Sa parole est de la même sorte que le ralliement aux mécréants vise la grande mécréance. Allah a dit, celui d'entre vous qui les prend pour alliés devient un des leurs. Sourate 5, verset 51. Et il a cité deux catégories de personnes. La première, les gens du livre, qui sont les chrétiens et les juifs. Et la deuxième, les hypocrites, qui cachent la mécréance et montrent l'islam. Ensuite, il a cité deux choses qui sont de la même sorte que le ralliement aux mécréants, est le fait de partager avec eux certaines croyances de mécréance, ou se faire juger par eux, et non pas par le livre d'Allah. Et fais attention à la phrase « ou se faire juger », qu'il a utilisé et qui indique que les deux actes qu'il a cités sont des actes de mécréance majeure, en prenant pour preuve le verset cité. N'as-tu pas vu cela? À qui une partie du livre a été donnée? Ajouter foi à la magie, au djibt et au tarout. Sourate 4, verset 51. Il a aussi dit à propos du verset, n'as-tu pas vu ceux qui prétendent croire à ce qu'on a fait descendre vers toi, prophète, à ce qu'on a fait descendre avant toi? Ils veulent prendre pour juge le tarout, alors que c'est en lui qu'on leur a commandé de ne pas croire. Mais le diable veut les égarer très loin dans l'égarement. Sourate 4, verset 60. Comme il a blâmé, Allah, ceux qui prétendent croire en tous les livres, cependant il délaisse le jugement du livre et de la sunna. Et il se juge chez certains tawarites, comme c'est le cas de beaucoup de personnes qui prétendent être musulmanes. Il se juge selon les paroles des sabéens, philosophes ou autres, ou au règlement de certains rois qui ne sont pas sur l'islam, comme les rois turcs et autres. Voir dans Majmu' Fatawa, volume 12, page 339. Et il a aussi dit à propos du verset, la seule parole des croyants, quand on les appelle vers Dieu et son messager, pour que celui-ci juge parmi eux, est, nous avons entendu et nous avons obéi. Et voilà ceux qui réussissent. Sourate 24, verset 51. Allah a expliqué que celui qui tourne le dos à l'obéissance du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et se détourne de son jugement, est parmi les hypocrites et n'est pas croyant. Car le croyant est celui qui dit, nous avons entendu et obéi. L'hypocrisie s'installe et la croyance disparaît lorsque l'on se détourne du jugement du prophète sallallahu alayhi wa sallam et que l'on ait la volonté de se juger par autre que lui. Cependant, cet acte n'est qu'un pur délaissement et il est possible qu'il soit dû à la force du désir. Mais que dire du dénigrement et l'insulte et ce qui lui ressemble? Voir dans As-Sarim al-Masloul, page 38. Ibn Taymiyyah, rahmahullah, est visé ici par l'hypocrisie, la grande hypocrisie, celle qui fait sortir de l'islam. Car il a dit, mais que dire du dénigrement et de l'insulte et ce qui lui ressemble? S'il voulait dire que se détourner du jugement du prophète sallallahu alayhi wa sallam et se faire juger par quelqu'un d'autre que lui n'est pas un acte de mécréance et d'hypocrisie majeure, il ne l'aurait pas comparé à l'insulte. Et dire que la mécréance de celui qui insulte le prophète sallallahu alayhi wa sallam est plus grave que celle de celui qui se fait juger chez At-Tarut signifie que pour lui les deux actes sont de la mécréance, mais celle de celui qui insulte est plus grave. Et de même sa parole. Cependant, cet acte n'est qu'un pur délaissement et il est possible qu'il soit dû à la force du désir. Il n'a pas dit que la mécréance est due au reniement ou à l'istihlal, rendre l'interdiction licite, mais il a cité comme cause le délaissement et le suivi de passion, le détournement du jugement du prophète sallallahu alayhi wa sallam et se faire juger chez les tawarites. Il a aussi énoncé à propos des versets, s'il croyait en Dieu, au prophète et à ce qui lui a été descendu, il ne prendrait pas ses mécréants pour alliés. Sourate 5, verset 81. Et il dit, non, par ton Seigneur, ils ne seront pas croyants aussi longtemps qu'ils ne t'auront demandé de juger de leur dispute. Sourate 4, verset 65. Allah a considéré cela comme condition pour posséder le statut de croyant. Par conséquent, la croyance repose sur la connaissance et des conditions qui, par celles-ci, la rendent valide. Voir Majmu' al-Fatawa, volume 7, page 150. Il a aussi dit, et parmi cela la parole du Ansarit qui demandait jugement entre lui et Zubayr par rapport à l'irrigation de sa terre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam jugea en faveur de Zubayr en lui permettant d'irriguer ses terres en premier. C'est alors que le Ansarit rétorqua, c'est parce qu'il est ton cousin. Une autre personne qui fut jugée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui dit, je ne suis pas satisfait, Allah chez Abu Bakr, pour son jugement, puis chez Omar qui la tua. Tout ce qui a été cité est de la mécréance et de l'hypocrisie qui mérite la peine capitale. Voir As-Sarim al-Masloul, al-Shatim al-Rasoul, page 233. Médite sur ces paroles en rapport avec le fait de se détourner du jugement du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a cité l'histoire de l'hypocrite qui n'était pas satisfait du jugement du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui fut exécuté par Omar à cause de cela. C'est ce que mérite toute personne se détournant du jugement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors que dire de celui qui se détourne de son jugement pour se faire juger par les tawarites? Il dit aussi, nous avons cité que Omar a exécuté un homme qui n'était pas satisfait du jugement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La révélation du verset lui donna raison, alors que dire de celui qui rejette? voir Sarim al-Masloul, al-Shatim al-Rasul, page 528. Et la signification de la parole d'Ibn Taymiyyah est que quiconque n'est pas satisfait du jugement du prophète sallallahu alayhi wa sallam devient mécréant. Alors que dire de celui qui rejette son jugement? Il n'y a pas de doute qu'à travers cela, la personne devient mécréante. Et ceci d'après ses paroles claires, indiquant la mécréance de celui qui ne se fait pas juger par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit: quiconque juge son litige chez autre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors il s'est fait juger chez At-Tarut, bien qu'on lui ait ordonné son désavouement. Le serviteur n'aura pas désavoué At-Tarut tant qu'il n'aura pas rendu le jugement propre à Allah seul comme il se doit d'être. Le serviteur n'aura pas désavoué At-Tarut tant qu'il n'aura pas rendu le jugement propre à Allah seul. Et il ne dit pas jusqu'à ce qu'il croit que le jugement appartient à Allah seul. Et ce qui éclaircit cela se trouve au début de sa parole. Quiconque juge son litige. Étant donné que le jugement est un acte, alors la signification de sa parole, jusqu'à ce qu'il croit que le jugement appartient à Allah seul, se traduit comme étant jusqu'à ce qu'il prenne Allah et son messager comme juge. S'il se fait juger en dehors d'Allah et de son messager, alors il n'a pas rendu le jugement propre à Allah seul, et ainsi il n'a pas désavoué At-Tarut, et son islam n'est pas valide. Ce désavouement de At-Tarut est un pilier de At-Tawhid, par lequel le serviteur, en ajoutant la foi en Allah, devient musulman. Il dit aussi, rahmahullah, par rapport à la parole d'Allah: puis, si vous vous disputez en quoi que ce soit, renvoyez-la à Allah et au messager, si vous croyez en Allah au jour dernier. Ce sera mieux et de meilleure interprétation et aboutissement. Sourate 4, verset 59. Et ceci est une preuve tranchante qu'il est obligatoire de se référer dans toutes sortes de litiges à Allah et son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et non pas à quelqu'un d'autre. Quiconque se réfère à quelqu'un d'autre va à l'encontre de l'ordre d'Allah. Et celui qui appelle au jugement d'un litige chez autre qu'Allah a en fait un appel de jahiliya. Le serviteur n'a pas de foi jusqu'à ce qu'il se réfère dans tous ses litiges à Allah et son messager. Et Allah dit à propos de cela: si vous croyez en Allah et au jour dernier. Et ceci est ce dont nous avons parlé auparavant, à savoir l'absence de la condition annule l'acte lié à cette condition. Cela démontre que celui qui prend comme juge autre qu'Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ses litiges est en dehors de ce que la croyance en Allah et au jugement dernier implique. Ce verset, protecteur, briseur, clair et qui est un remède, te suffit, car il brise le dos de ceux qui vont à l'encontre et protège ceux qui s'y accrochent et l'appliquent. Il a aussi dit, rahmahullah, Allah nous a informé de l'état de ceux qui jugent avec une autre loi que celle avec laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu. Allah dit: et lorsqu'on leur dit, venez vers ce qu'Allah a fait descendre et vers le messager, tu vois les hypocrites s'écarter loin de toi. Sourate 4, verset 61. La véritable hypocrisie est le détournement de ce avec quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut envoyé et l'inclinaison vers tout ce qui en diffère. La vraie croyance est la demande de jugement auprès de lui, l'absence de gêne dans le cœur et la soumission totale vers ce avec quoi le jugement était établi. Sa satisfaction, son amour et le prendre volontiers, ceci est la vraie croyance et le détournement et la véritable hypocrisie. Voir Mortasar al-Sawa'iq al-Mursala, volume 2, page 515. Médite sur ces paroles. La véritable hypocrisie est le détournement de ce avec quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut envoyé et l'inclinaison vers tout ce qui en diffère. Sa parole, la véritable hypocrisie, c'est-à-dire la grande hypocrisie. Ibn Taymiyyah rahimahullah a dit: la mécréance absolue n'est pas forcément de commettre une branche de mécréance, mais la mécréance absolue, c'est d'être dans un état de véritable mécréance. Et Ibn al-Qayyim, rahimahullah, a dit aussi dans son poème: Allah a juré par lui-même un serment expliquant la croyance véritable. N'est pas croyant celui qui se fait juger par autre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dont la preuve est claire. Mais n'est pas croyant sauf celui qui se réfère qu'aux deux révélations, celui-là est croyant. N'est pas croyant même s'il se réfère, s'il était dans la gêne et à l'étroit. Et il n'est pas croyant jusqu'à ce qu'il se soumette aux deux révélations. Et il dit aussi dans le même poème: il se réfère à la révélation claire et non aux paroles des chouyours. Cependant, il a deux références. Elles ne sont jamais injustes, mais elles représentent la justice parfaite. Elles sont le livre d'Allah, le plus juste. Il contient la guérison et la guidée du perdu. Le deuxième juge est la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Pas plus que cela pour le croyant. S'il t'invite à autre jugement, pas de réponse au prêcheur de la mécréance et de la désobéissance. Et il dit aussi, rahmahullah, At-Tarut est celui vers qui les gens demandent justice en dehors d'Allah et de son messager. Ya'lam al-Muqirin, volume 1, page 50. Ibn Kathir, rahmahullah, a dit, Al-Juwayni a cité quelques extraits du Yasa. Quiconque fornique doit être tué, célibataire ou pas. L'homosexuel doit être tué. Celui qui ment volontairement doit être tué. Le sorcier doit être tué. L'espion doit être tué. Celui qui s'immisce entre deux personnes en conflit et aide l'un contre l'autre doit être tué. Celui qui urine dans l'eau stagnante doit être tué. Celui qui se met dedans doit être tué. Celui qui donne à manger, à boire ou vêtit un prisonnier sans la permission de son geôlier doit être tué. Celui qui trouve un fugitif et ne le livre pas doit être tué. Celui qui nourrit un prisonnier ou lui jette de la nourriture doit être tué. Mais il doit lui remettre en main propre. Celui qui invite quelqu'un à manger doit manger en premier, même si l'invité est noble et non pas prisonnier. Celui qui mange sans partager avec les gens présents doit être tué. Celui qui égorge un animal doit être égorgé comme lui, mais il est égorgé et ouvert pour lui arracher son cœur. Et tout ceci va à l'encontre des lois d'Allah révélées à ses prophètes. Celui qui délaisse la loi juste révélée sur Mohammed, fils de Abdullah, sceau des prophètes, et se réfère à des lois abrogées, est mécréant. Qu'en est-il de celui qui se fait juger par le Yasa' et l'a mis avant les lois révélées au prophète, sallallahu alayhi wa sallam? Celui qui fait cela est mécréant, selon l'unanimité des musulmans. Voir Al-Bidayah wa Nihayah, volume 13, page 139. Ceci est une parole claire de sa part, rahimahullah, où il cite l'unanimité sur la mécréance de celui qui prend pour juge une loi divine abrogée, comme la Torah. Que dire de celui qui se fait juger en utilisant les lois mises en place par les hommes? Pas de doute qu'il est pire. Il y a des gens qui ont dit que ce jugement et cette menace d'excommunion qui a été citée à l'unanimité est spécifique aux Tatars, car ils ont commis certaines mécréances. Il n'y a point de doute que ceci est nul. Sa nullité peut être posée en demandant avec quelle preuve rendez-vous cette unanimité et ce jugement spécifique aux Tatars. La parole de Ibn Kathir, rahimahullah, est claire. Il a dit, rahimahullah, celui qui délaisse la loi juste révélée, celui vise tout le monde, comme il est évident et connu. Ibn Kathir, rahimahullah, parle ici d'un sujet général, qui est le délaissement de la loi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et la demande de jugement auprès d'une loi autre que celle-ci. Il a aussi cité le fait que se faire juger d'après une loi divine abrogée est de la mécréance. Alors que dire de celui qui se fait juger avec les lois établies par les hommes? Ceci est clair dans sa parole. Qu'en est-il de celui qui se fait juger par le Yasa'? C'est la loi mise en place par Genghis Khan. Il en a cité des extraits au début de ses paroles. Puis il a dit, et tout ceci va à l'encontre des lois d'Allah révélées à ses prophètes. Puis il a rapporté l'unanimité sur l'excommunion de celui qui se fait juger avec une loi autre que celle de l'islam. Il a donné le cas des Tatars comme exemple, car ce fut leur cas. Et ce qui éclaircit aussi ce point, sa parole dans son tefsir, expliquant le verset. Est-ce donc le jugement du temps de l'ignorance qu'il cherche? Sourate 5, verset 50. Il dit, le Très-Haut dénigre ceux qui dévient de la loi d'Allah dominante, comportant tout le bien et interdisant tout le mal, et se dirige vers une autre loi composée d'opinions, de passions et de termes forgés par les hommes, sans se baser sur la loi d'Allah. Comme jugeaient les gens de la Jahiliya avec leur égarement et ignorance, ils ont établi des lois basées sur leurs passions. Et c'est identique à ce quoi? Et c'est identique à ce par quoi les Tatars gouvernent, issus des politiques monarchistes de Genghis Khan, qui leur a forgé le Yasiq, qui correspond à un livre de lois composé à partir de différentes législations juives, chrétiennes et musulmanes, et où se trouvent beaucoup de lois qu'il a tout simplement tirées de sa pensée et de ses passions. Ce livre est devenu une législation suivie par ses descendants, qu'ils mettent en avant par rapport au jugement par le Coran et la Sunna. Or, quiconque fait cela est devenu mécréant et il faut le combattre jusqu'à ce qu'il revienne à la loi d'Allah et de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Il ne doit pas prendre un autre comme juge, ni pour peu, ni pour beaucoup. Et il a donné deux exemples. Le premier est sa parole. Comme jugeaient les gens de la Jahiliya avec leur égarement et ignorance, ils ont établi des lois basées sur leurs passions. Et ceci répond à celui qui dit que ce jugement est spécifique aux Tatars. Bien au contraire, ce jugement est un jugement général pour toute personne qui juge avec les lois non révélées. Le deuxième exemple est sa parole, et c'est identique à ce par quoi les Tatars gouvernent. Il nous montre ainsi que sa citation des Tatars n'était qu'un exemple et était loin d'être une fatwa propre aux Tatars. Et ainsi, il a conclu sa fatwa en utilisant une formule générale. C'est la phrase conditionnelle qui commence par « celui ». Celui qui fait cela est mécréant. Il a dit, à propos de l'unanimité, celui qui fait cela est mécréant d'après l'unanimité. Ceci est une parole générale de sa part, éliminant les fausses interprétations établies à cause de sa fatwa. Ils ont une autre ambiguïté concernant cette unanimité, et c'est leur parole. La demande de justice auprès des lois abrogées est du kofr, car la loi divine abrogée est une religion. Donc celui qui se fait juger par cette loi ne peut le faire qu'avec croyance, alors que la loi établie par les hommes n'est pas une religion. La réponse à cela est que nous disons qu'il n'y a pas de doute que cette parole est vaine, et sa nullité est montrée par Allah dans le Coran, où il a caractérisé les millions des mécréants et des associateurs de religion. Dit, ô vous les infidèles, je n'adore pas ce que vous adorez, et vous n'êtes pas adorateur de ce que j'adore. Je ne suis pas adorateur de ce que vous adorez, et vous n'êtes pas adorateur de ce que j'adore. À vous votre religion, et à moi ma religion. Sourate 109. Il a aussi montré dans son livre bien-aimé que l'organisation, le gouvernement et sa politique sont appelés religion. Allah a dit, ainsi suggéra-nous cet artifice à Youssouf, car il ne pouvait pas se saisir de son frère, selon la justice du roi. Sourate 12, verset 76. Ibn Kathir, rahimahullah, a dit dans son tafsir concernant ce verset, c'est-à-dire qu'il ne pouvait pas le prendre selon le jugement du roi d'Égypte. L'imam Qasimi dit dans son tafsir sur ce verset, ce verset est une preuve qu'on peut nommer les lois de mécréance religion. En ce qui concerne leurs paroles, quiconque se faisait juger avec une loi divine abrogée devient mécréant, car il en est croyant. Ceci est faux. La preuve que cela est faux est que lorsque l'on leur demande si une personne se fait juger par une loi divine abrogée, mais sans croyance, plutôt pour un intérêt dans ce bas monde, est-elle mécréante d'après vous? Si vous répondez non, alors vous avez brisé l'unanimité. Si vous répondez oui, alors nous allons vous demander quelle est la différence entre celui qui se juge avec une loi divine abrogée et celui qui se juge avec une loi humaine, en sachant que ces deux individus l'ont fait non par croyance, mais pour ce bas monde. Allah a dit, il en est ainsi parce qu'ils ont aimé la vie présente plus que l'au-delà, et Dieu vraiment ne guide pas les gens mécréants. Sourate 16, verset 107. Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, dit dans Kashf al-Shubuhat, à propos de ce verset, Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahmahullah, dit dans Kashf al-Shubuhat à propos de ce verset. Il a déclaré que cette mécréance n'est pas due à une croyance, ni à l'ignorance, ni à la haine vis-à-vis de la religion, ni pour l'amour de la mécréance, mais plutôt à cause d'un profit dans ce bas monde qu'il a devancé à sa religion. Donc se faire juger par une loi divine abrogée ou par une loi mise en place par les humains est de la mécréance qui fait sortir de l'islam. Que celle-ci soit accompagnée d'une croyance ou pas, dans les deux cas, ceci fait sortir de l'islam. Celui qui juge avec l'évangile sans que son jugement soit approuvé par la loi islamique est mécréant, associateur, qui ne fait pas partie de la religion islamique. Voir Al-Ihkam fil Usul Al-Ihkam, volume 5, page 173. Le Shir Ahmed Shaker, rahimahullah, a dit, quiconque juge avec une loi autre que celle révélée par Allah, volontairement, tout en sachant que la loi en question n'est pas islamique, est mécréant. Qu'il la nomme loi des gens du livre ou loi faite par les humains, tout cela est de la mécréance qui fait sortir de l'islam. Qu'Allah nous protège de ceci. Voir dans son commentaire sur le Mousnad de l'imam Ahmed, volume 14, page 180-184. Ibn Kathir, Rahimahullah, dit à propos du verset, Puis si vous vous disputez en quoi que ce soit, renvoyez-le à Allah et au messager si vous croyez en Allah ou au jour dernier. Ce sera bien mieux et de meilleure interprétation et aboutissement. Sourate 4, verset 59. Ceci est une preuve que celui qui juge ses litiges par autre que le Kitab et la Sunna et ne les prend pas comme référence n'est pas croyant en Allah et au jour dernier.